20, 30, observation, réfléchir, choisir, finir, comparer. Présent, je réfléchis, je choisis, je finis. Tu réfléchis, tu choisis, tu finis. Elle réfléchit, elle choisit, elle finit. Nous réfléchissons. Nous choisissons. Nous finissons. Vous réfléchissez? Vous choisissez? Vous finissez? Ils réfléchissent. Ils choisissent. Ils finissent. Passé composé. J'ai réfléchi. J'ai choisi. J'ai fini. Tu as réfléchi? Tu as choisi? Tu as fini? Elle a réfléchi, elle a choisi, elle a fini. Nous avons réfléchi, nous avons choisi, nous avons fini. Vous avez réfléchi, vous avez choisi, vous avez fini. Ils ont réfléchi, ils ont choisi, ils ont fini.